Et oui, bonsoir, comme tous les vendredis de 22h à 23h sur C'est Fou, vous retrouvez les bonnets rouges pour faire suite à Skoy Punka et notre ami Camarade B. The brightening morn to take a pleasant walk. I sit down on an old stone wall to hear two lovers talk, to hear what they might say, my friend, hear what they might say, so I might learn a little about love before I go away. Don't sit down beside me, said, not now or any time. Here you have another laugh, your heart's no longer mine. Your heart's no longer mine, he said. Your heart's no longer mine. Here you have another lad. Your heart's no longer mine. Billy stands for petty as a bull. Stand for my love, John. Double stands for the false Julio. And Johnny's the fairest man. Johnny's the fairest man, he said. Johnny's the fairest man. And I don't care what anybody says. For Johnny's the fairest man. I'll go and climb a tall fine tree up to a wild bird's nest. When I come down, I care some more about the girl I love the best. The girl I love the best, he said. The girl that I love best. When I come down, I care some more about the girl I love the best. Billy stands for petty, I suppose. J for my love, John. W stands for the false Julio. And Johnny's the fairest man. Johnny's the fairest man, he said. Johnny's the fairest man. And I don't care what anybody says. For Johnny's the fairest man. On a bright May morn to take a pleasant walk. I sit down on an old stone wall to hear two lovers talk, to hear what they might say, my friend, hear what they might say, so I might learn a little about love before I go away. B stands for petty, I suppose. J for my love, John. W stands for the false Julio. And Johnny's the fairest man. Johnny's the fairest man, he said. Johnny's the fairest man. And I don't care what anybody says. For Johnny's the fairest man. C'était Paddy Stand for Paddy sur l'album Wall of Folk, sorti en 2011 du groupe Fiddler's Green. Et on va continuer avec les Rumjack et le titre An Irish Pub Song, qui était sorti en 2010 sur l'album Gangs of New Holland. Et ce sera suivi par les Dropkick Murphys et avec Rocky Road to Dublin et les Flogging Molly, You Won't Make a Fool of Out of Me. Et on va continuer, c'est parti. There's a county map to go in the wall of hurl, a stick in the shinty bowl, the brick, the brack, the crack and all, let's call it an Irish pub. Paffrey's hard, Kilkenny, a pub, the Guinness, pie and the cabbage crap, the eye don't wanna be paddy trap, we'll call it an Irish pub. To swear upon the holy book, the only crack you'll get is a slap in the ear. Well, I'll be fucked, I'll often burst your filthy mug. If you draw one more shot, I'll give me beer. An Irish pub. The quick run in the filthy pub. The patent glass across the lug of the lady. Oh, the dirty dog we got is an Irish pub. It's over to me and over to you. an Irish pub. While all big folk just went up on the holy book, the only crack you get is a slap in the ear. While all big folk don't love a verse, you filthy mug. If you draw one more shot, I'll give me beer. We'll call it an Irish pub. Plastic cups and polished floor. We'll hose the blood right out that door. I let the knuckles back for more. We've got us an Irish pub. While I'll be fucked, you spit upon the holy book. The only crack you'll get is a slap in the ear. While I'll be fucked, you'll love it first, you filthy monk. If you draw one more shot, I'll give me beer. And Gary Owen, kiss me, I'm Irish. Molly Malone, a bunch of slanch, a plug my home. We got us an Irish pub. Spit the punches, trick the willows, strike me up the rakes, and mellow the lift. He never runs so shallow. We got us an Irish pub. While I'll be fucked, you swear upon the holy book. The only crack you get is a slap in the ear. While I'll be fucked, you'll love the first, you filthy mug. If you drop one more shot, I'll give me beer. Some Galway boys were not. So I was a-hollin' with the lottery. They joined me in the fray. So we cleared the way. plastic, and I'm not puppet on your show. You won't sing when the singer is songless. I'm not a notch in your fat bow. But green is the heart of your greed. That much I can tell. You may think you're the captain of me, but I'm your coffin ship from hell. And you won't. C'était les Flogging Molly avec le titre You Won't Make a Fool Out of Me sur l'album Float. Et c'était précédé des Dropkick Murphys et le titre Rocky Road to Dublin. Et juste avant encore, c'était les Rumjack avec le titre An Irish Pop Song. Et on va continuer avec en Angleterre avec Vibrators et le titre Animals sur l'album Energize qui était sorti en 2002. Et ce sera suivi par les Buzzcocks et le titre Sound of a Gun. Et puis les Bad Religion avec le titre America Dream. Good to eat. These animals don't have the right. C'était American Dream des Bad Religion sur l'album How Could Hell Be Any Worse. Et c'était précédé de Son of the Gun des Buzzcocks et d'Animals des Vibrators. Et on va continuer avec deux groupes bretons, avec Névrotic Explosion et le titre Le Sauveur. Ça sera suivi de Trous and Nose et de Dieub à Dizou sur l'album Chometai. Mais juste avant, point information, Camarade B n'aime pas les barbes mal taillées. Yeah! marchands, une troupe de marins, d'ouvriers, de paysans. Où allez-vous, camarades, avec vos fusils chargés? Nous tendons des embuscades, viens rejoindre notre armée. La voilà de l'Enchevêque, vive la mouette tirée. La voilà de l'Enchevêque, vive vous et les puissants. C'était les Ramoneurs de Menhir avec La Blanche Hermine, qui est une reprise de Gilles Serva, dont on entend chanter d'ailleurs à la fin du morceau. Et juste avant la pub, c'était les Névrotiques Explosion avec le titre, donc Le Sauveur. Et encore avant, c'était le groupe Trous and Nose. Et on va continuer avec les Salvation City Rockers avec Les Heures Sombres, puis les Pollueurs des Salles Majestés. Et vous êtes toujours sur C'est Fou pour l'écouter. Je voudrais combattre le chiot et le sort. J'ai maudit le ciel, je vous implore, mais sont dans les mers. Si la flotte a un coup amer, nous on n'en a rien à branler. Si nos enfants crèvent de faim, pour l'instant pour nous tout va bien. Alors surtout ne changeons rien, car nous on pollue comme des bêtes. On détruit la planète, y'a plus de place au pôle Nord. Bientôt on sera tous morts. On pollue comme des bêtes. Et on pollue à fond la caisse. Nous on n'en a rien à branler. S'il y a plus d'abeilles dans les prés, si on préfère les OGM, ou même si c'est cancérigène. Car nous on pollue comme des bêtes. On détruit la planète. Y'a plus de place au pôle Nord. Bientôt on sera tous morts. On pollue comme des bêtes. On détruit la planète. Y'a plus de place au pôle Nord. Comme ça on pourra polluer. Comme ça on se fera les couilles en or. Nous on n'en a rien à branler. S'il y a plus d'eau dans les rivières, si la terre devient un désert, s'il y a plus de riz dans les rizières. Car nous on pollue comme des bêtes. On détruit la planète. Y'a plus de glace au pôle Nord. Bientôt on sera tous morts. On pollue comme des bêtes. On détruit la planète. Oi! Hey, ma gang de pouilleux! Oubliez pas le show de Prowlers, Jeunesse Apatride, Bouddha Bulldozer, Before It's Too Late, Mayday ainsi que Baster 86, demain au Rock Café Le Stage. Merci, camarade B. De rien, Adrien. Et comme je le disais tout à l'heure dans ton émission Skypunk, que vous avez tous les vendredis soirs de 20h à 22h, qu'on avait des nouveautés ce soir, et ben chose promis, chose due, ça va être pour maintenant avec Talco, donc le groupe italien, de ska punk italien, oui, ouais. Et qui a sorti son album aujourd'hui. Donc là, c'est vraiment quasiment de l'avant-première que vous avez. On va écouter deux nouveaux de leurs titres et un ancien. Je suis jaloux. T'es jaloux de pas avoir des nouveautés de la journée même? Ouais. Ah, regarde, ça demande du travail aussi. Enfin. Ou de la chance. C'est ça, un peu des deux on va dire. Surtout de la chance aussi de bien avoir préparé ça avant, que ça tombe pile poil le vendredi comme aujourd'hui. Et le nouvel album en fait donc de Talco s'appelle Grand Gala. Et on va écouter le premier titre donc, qui était déjà sorti en clip déjà auparavant, Danza dell'Autunno Rosa. Et ce sera suivi d'un ancien de leur titre qui s'appelle San Paoli, en l'honneur d'un club allemand antifasciste. Et ça sera suivi par un titre de leur, encore de leur, qui sera de leur nouvel album ce coup-ci, comme le premier. Ce sera Apico. Alors, on s'écoute ça? Yes, go! Nella danza dell'autunno rosa, alia, alia, alia. Rinnegata da che riposa in letti di moderazione. È l'autunno di pallide feti, alia, alia, alia. Lungo venti lasciati a piedi e maschere senza color. Che scaccia i suoi eredi respirando la moderazione e crolla i piedi di preghiere senza vocazione. Nella danza dell'autunno rosa, alie, alie, alio, rinnegata da che riposa, alie, alio, è l'autunno di pallide feti, alie, alie, alio, lungo venti lasciati a piedi. Yeah, yeah, yeah, incredulità, compiaciuta e padrona del nulla. Oh, dai, dai, nona, e l'autunno è uno specchio che scandisce la sua povertà nella danza dell'autunno rosa. Alie, alie, alio, rinnegata neanche riposa. Alie, alio, è l'autunno di pallide fedi. Alie, alie, alio, lungo venti lasciati a piedi. Alie, alio. Rosa. Alie, alie, alio, rinnegata da che riposa. Alie, alio, è l'autunno di pallide fedi. Alie, alie, alio, lungo venti lasciati a piedi. Alie, alio, cavalcar solo venti a favore, siano freddi e nudi di passione per voi. Rand, ein verrückter Bestreit gegen den Vorrang der fremden Feindlichkeit. Gemeinsamer Gesang und Lieder folgen viel, gesungen von Chören, beladen das Lebensviel. Sie tanzen auf der Runde, Gloria im Vergangenheit, Kinder der Erinnerung, Piraten aus Apollon. Sie tanzen auf der Runde, Gloria im Vergangenheit, Kinder der Erinnerung, Piraten aus Apollon. Gegen Phrasen und Agonie, auf der Hule wie der Blut an der Peripherie. Gesängen beladen des Lebens viel, die fröhliche Vollwelt der Ränke des Ampalen. Sie tanzen auf der Runde, Gloria in Vergangenheit, Kinder der Erinnerung, Piraten des Ampalen. Sie tanzen auf der Runde, Gloria in Vergangenheit, Kinder der Erinnerung, Piraten des Ampalen. Gegen den Vorgang der fremden Feindlichkeit. Gesängen beladen des Lebens viel, in fröhlichen Vollwehr der Ränge des Apollo. Sie tanzen auf der Runde, Gloria in Vergangenheit, Kinder der Erinnerung, Piraten aus Apollo. Sie tanzen auf der Runde, Gloria in Vergangenheit, Kinder der Erinnerung, Piraten aus Apollo. Sie tanzen auf der Runde, Gloria in Vergangenheit, Kinder der Erinnerung, Piraten aus Apollo. Sie tanzen auf der Runde, Gloria in Vergangenheit, questo è il sodo di un miraggio che di questa ennesima attenzione fu la chiave. Vedo infrangersi nel temporale un antico maggio rotolato da una nave. Di mecenati appesa a seguito di uno strisciare battezzata vocazione. Vici di Gioconda in credito, uniti ancora nella stessa professione. Salvano tutti buoni a nulla ed onorevoli di spicco. Malpesi il mondo delle larve, delle colpe, la cruda realtà. E la nave cade a picco. Sole mandato di succhiata, tra la volta di chi scelse di campare. C'était Talco avec deux morceaux sur les trois qui étaient issus de leur dernier album sorti en date aujourd'hui même. Et il s'appelle Grande Gala et on a eu le titre Apico qui est le dernier que nous avons entendu et le premier du bloc Danza del Autumno Rosa qui en sont issus. Et on va devoir se quitter jusqu'à vendredi prochain à 22h pour retrouver Les Bonnets Rouges sur ces fous et avant de 20h à 22h Skoypunka. Et pour se quitter, moi j'ai pensé Les Minouches Nawak avec Serial Killer. Sans râle, on a un meurtre sur la 123. Envoyez toutes les unités sur la ligne du crime. Décembre, son destin bascula, la mort l'emmena, et on le revit pas. Un dernier pour la route, il dit que ça fait pas mal, mais après ça t'es tout, ça sera plutôt banal. Le voilà dans la rue, c'est plus comment on est venu. Si je monte avec ce gars qui me fait des signes sympas, le black qui s'agresse et rentre dans la petite caisse. Au bout du chemin, la mort qui résonne et l'endort. Des putains que l'on forme, pas juste pour la forme. Le black dans la mer, pas qu'on se met seul. L'ancienne we'll be right back. t'endors. Je suis complètement barré, les shoots, plus rien y fait. Je suis devenu accro, le mur c'est mon credo. Je vois en toi la mort, j'ai statué sur ton sort. Pas la peine de courir, je sens que tu vas mourir. Car je suis un tueur, un enfoiré tueur, je suis le serial killer.